toi, comment ça va? Ça va bien. Excellent. C'est bien qu'on se voit. Ben oui, tu viens de lancer ton troisième album. Risque, ouais. Troisième album solo, ouais. Walking. Ouais, Walking. Et tu prêtes I got it for you. Exactement, oui. Et puis attends, il y a même quelque chose d'autre. Ah oui? Un gag. Oh, ok. Presque. Voilà. Un badge. Ah, c'est bien. Excellent. Excellent. Mais toi, tu as commencé dans les années 90 à faire des films un peu rigolos. Ah bon? Bah, des comédies, oui. Oui, j'ai joué dans des comédies, ouais, ouais c'est vrai. Quelques œufs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, t'as vu quoi? En fait, moi, je t'ai connu dans La Nuit Je Mens. Ah oui, ben voilà. Le clip. Bien sûr, ouais. Ah ouais. Et tranquillement, ben en plus, je t'ai vu en solo, en première partie dans Les Vachons. Ah ouais, mais ben ouais, ouais, à Montréal. Ben oui, c'était carte super. Blanche. Oui, c'était carte blanche. Je suis éclatée. Ouais, voilà. Ah, il est bloqué dans le métro. Ah oui, oui, mais c'était super, ça. Ah ouais, je me souviens de ce concert. Et j'avais fait aussi la première partie de Christophe et Daniel Darc au Club Soda. Exactement. C'était durant cette même année-là, c'était pendant les francophonies. Ouais, c'est ça. Et bien, moi, j'étais aux trois. Ah ouais, donc t'as tout vu. Oui, ben, j'avais une part, VIP, donc j'avais Ah ouais. Et j'ai vu les grands espaces avant, tu descendais dans une bulle. Ouais, ah ouais, bah, ça, tu sais tout de moi alors. Oui, ouais, c'est bien. C'est ça, puis même. Ah, c'est marrant. Oui, puis ta soeur fait aussi de la musique à Lille. Ouais, je suis née là-bas. Ouais, ben, fait de la musique quoi, rock punk, punk psychédélique. Ouais. Voilà. Puis ben, à travers ça, je t'ai vu dans tes. Tu as fait des vidéos avec un vidéo avec Alain Bachot, et après ça, tu as fait des cantiques de cantiques. Ah ouais, cantiques de cantiques. Avec un rappeur. C'est incroyable. C'est beau ça. C'est merveilleux. Ouais. Ça me donne une autre dimension. Hein. Ouais, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Puis. Et toi, t'es née à Lille. Ouais. Tu sais, on peut. T'enregistres là? Oh, oui. Ah ouais, donc on y va. Oh, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. C'est vraiment. C'est cool, j'aime bien. Alors bonjour en passant. Bienvenue à Errance Canadienne, qui est une émission qui est diffusée le vendredi. Donc, c'est une émission de variété assez explosive avec des improvisations et à travers ça, il y a notre rencontre d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, moi, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que ça fait longtemps que je connais ce que tu fais, que j'écoute ce que tu fais. Tu es rendu à ton troisième album. Le deuxième, je crois qu'il est autoproduit. En fait, les trois sont autoproduits. Après, même ils sont distribués. Ouais, mais il est distribué chez Sony. Okay. Donc, on me prend la main pour la distribution, mais sinon, je suis productrice de tout. Hein. Ah, tu produis tout? Ouais, je suis une femme d'affaires. Oh ouais. Je suis obligée. Mais après, on peut te vendre un peu partout. C'est-à-dire que toi, c'est ça. Après, le distributeur, il me vend. Et il distribue, et je suis trouvable, et voilà quoi. Mais moi, je fabrique. Voilà, je paie le studio, je fais mon objet, je décide des photos, je décide de tout en même temps. C'est ce qui fait que je suis hyper libre. Hein. Alors tu joues sur ton image, c'est toi qui choisis l'image que tu veux. Ah bien sûr, bien sûr, tout. Je choisis tout, le lettrage, tout. Ça j'aime bien. Hein. Mais à l'origine, toi t'es une fille de Lille, donc t'as grandi là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer l'actrice, à faire de la vie? Ça c'est vraiment... Depuis toujours, depuis que je suis toute petite, je voulais être dans le spectacle. Enfin, ça, c'était sûr, quoi. Donc, ça a aussi entre la musique, je sais pas, un besoin m'exprimer à tout prix. D'être vu. D'être vu aussi, oui, bien sûr, d'être dans la lumière. Je crois que je suis plus solaire que lunaire, de toute manière. Mais une envie de. Ouais, une envie de faire des choses et de les montrer, de m'exprimer. Et devant des gens, surtout. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, parce qu'on peut s'exprimer dans sa chambre, mais c'est pas la même chose. En peinture aussi, Mais il y a un moment donné où, pour trouver une place dans le monde, il faut que ce soit vu. Sinon, on tourne en rond, quoi. Oh, oui. Même, ça fait évoluer, c'est important. Ouais. Et t'as-tu commencé à faire l'actrice à Lille aussi? Ouais, j'ai fait d'abord le conservatoire en France, ça veut dire l'école de théâtre, vraiment. D'art dramatique. Voilà, d'art dramatique. J'ai vraiment fait ça pendant 3 ans. Et puis voilà, après, je suis venue à Paris, j'ai commencé à jouer. Petits rôles, des rôles plus importants. Mais quand même, finalement, bout à bout, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu n'as pas encore dit, je sais pas si tu vas le dire. Il y a eu un photographe qui a flashé sur toi, c'est Condensé. Ah ouais, Tom. Ouais. Bah, Tom, c'est une grande histoire d'amour et une grande histoire d'art. Oui, mais où ça s'est passé? Comment? Alors, c'est une histoire un peu dingue. Hein. Oui, oui, ben oui, mais comme un peu ta vie en général. Oui, oui, c'est vrai. Les rencontres, c'est des rencontres dingues. Un peu dingue, oui. Eh bien, j'ai rencontré Tom alors que j'étais en voyage en Inde avec mon père. J'avais 15 ans à l'époque. OK. Alors, ton père faisait? Du yoga. Il fait du yoga, il est psychiatre en même temps. En fais-tu? Non. OK. Mais lui, il en fait 3 heures par jour depuis 30 ans. Ah, mais toi, okay. t'es quand même ancré sur la psyché des gens. Ah, ben moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis complètement connectée à tout ça, mais d'une façon très naturelle, en fait. OK. Et quand okay, donc voilà, on était en Inde et Tom était là et on a, il y a eu un coup de foudre, quelque chose de très fort. On a commencé à faire des photos et tout de suite ça a été très fort et puis quand même j'ai attendu d'être un peu plus grande et puis après c'est devenu, ans, ouais, après c'est devenu mon amoureux. Un peu comme Charlie Chaplin ici. Ah ouais, ça a été fort, hein, ça a été une grande histoire de voyage, de photos, d'amour. De... Combien de temps? Il y a eu 3 ans, on était juste amis, modèles et photographes, et puis 3 ans d'amour fou. Ouais, et c'est vrai qu'on a du coup énormément de photos, des milliers de photos qu'on a fait ensemble partout. Je me déshabillais partout, dans la rue. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça à un moment donné dans tes albums Pas dans mes albums, mais moi, nous, on cherche un éditeur, on rêve que ce soit édité. On a fait déjà une maquette de livre, c'est beau, quoi. Oh, oui. C'est vraiment de la gueule, c'est mais... C'est une période de ta vie. Ah ouais, c'est une belle page, une très belle page de ma vie. Mais ça s'est passé ces 3 années-là, où, en France ou aux États-Unis? À cheval. OK. Moi, j'allais souvent le voir à Hawaï, il habitait à Hawaï, et je revenais à Lille, à Paris, tout ça, ouais. OK. Des allers-retours, ouais. C'était beau. Tranquillement, c'est là que le côté artistique en toi s'est révélé. Bah disons qu'il était toujours là, j'avais déjà fait mon conservatoire et tout, mais là c'était, ça y est, ça prenait corps, ça prenait vie, c'était vivant, c'était pas des études, c'était d'un seul coup, on faisait quoi, on créait, on créait toute la journée, tout le temps. Donc c'était une émulation fantastique, c'était très excitant, très, très stimulant, très... Mais je trouve ça intéressant parce que si on réfère aux grands espaces, tu disais la même chose dans une entrevue avec... Oui, exactement, tu étais en pleine création, tu montais sur des cubes avec le vent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, enfin, c'est une dimension que j'adore dans l'amour. D'ailleurs, j'ai toujours été avec des artistes, mais... parce que ça repousse toutes les limites du temps, d'espace, d'âge, toutes ces conneries là. D'un seul coup, il n'y a plus de limites. Et créer avec quelqu'un qu'on aime, je connais rien de plus merveilleux que ça. Et ça va plus loin en même temps. Mais oui, parce que ça va plus loin, ça transcende tout, ça transcende la vie. Puis on laisse une trace, on laisse quelque chose de nous, il y a quelque chose de très beau, quoi. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça, ouais. Et puis dans tes albums, le premier album représentait quoi? Qu'est-ce que tu voulais montrer au public? L'enchaîne d'un seul, tu veux dire? Oui. Oui, parce qu'en fait, si on prend les albums avec Alain Bachung, ça, non, on les ignore parce qu'on va prendre ta carrière personnelle. Chaîne d'un seul? Oh, ben moi, je fais pas un album pour prouver quoi que ce soit. Hein. Okay. C'est pour exprimer qui je suis à ce moment-là de ma vie. Mais c'est toi qui écris ou c'est, faut pas oublier de le dire. C'est moi. Oh, c'est oui, moi ça, qui écris, c'est moi qui compose. Oui, c'est ça. Exact. C'est moi qui chante. Oui, ben c'est ça. Mais la musique, c'est pas toi. Je compose. Ah, tu composes aussi, ok. Ah oui, okay. Je compose mes morceaux. Après, il y a un travail d'arrangement avec le musicien qui se fait naturellement, mais je compose. Oui, je fais tout. Est-ce que tu vas chercher tes musiciens? Oh bah non, jusqu'à présent ça a toujours été Yann Péchin, tous mes albums, c'est mon frère, quoi. Mon alter ego. Ok, c'est Yann qui gouverne un peu le... Je ne gouverne rien du tout, c'est moi qui gouverne. Oui, mais je veux dire, c'est lui qui amène un peu... Mais voilà, on se comprend très bien et il sait très bien mettre en musique ce que je ressens sans que j'aie trop lui parler. Il comprend, on se regarde, il comprend. Ah ouais. Et ça c'est une complicité très précieuse, très rare. Et voilà, à laquelle je tiens beaucoup, enfin on s'amuse bien ensemble avec Yann, on s'amuse bien. Et on fait beaucoup de scènes ensemble, enfin voilà. Et sur le troisième album, là, le dernier, il y a eu aussi Toby Damit qui est venu dans l'histoire, qui est un très bon batteur. Et voilà. Mais alors qu'est-ce que j'ai... Non, un premier album, pour parler du premier album, c'est la genèse. Je crois que c'est de là que tout part, donc c'est important. C'est vraiment le premier caillou planté, la première graine. Ça a ses défauts, parce que... Ah, ok. Bah, je pense, forcément. Non, mais toi, tu les vois, Non, oh, pas du tout, j'en suis très fière de ce disque. C'est comme un enfant, là, donc tu peux pas ne pas... C'est un de mes enfants, c'est juste que c'est le premier... C'est oui, voilà, et, mais c'est un premier disque, c'est de l'élan. Je dirais que c'est un disque d'élan, totalement sincère, tout à fait moi, hein, tout à fait moi, surtout à ce moment-là. Tout à fait moi à ce moment-là. Il est sincère, il est brut, je l'aime, bien sûr. Et il y a des chansons que l'on va retrouver peut-être sur scène avec cette... Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je, ouais, quand je suis sur scène, je chante un peu des trois. Ouais. Parce que aussi, c'est ton premier, donc tu dois avoir quelque chose de plus sensible. Ah bah bien sûr, bien sûr. Tu t'as lancé. Ouais. Mais lorsque je t'ai vu en francophonie, tu faisais ton premier album. Ouais, c'était le premier album, ouais, je me souviens. Avec le look aussi, il est très yéyé, hein, très... Ouais, yéyé? Ben, mais je veux dire, non, mais les vêtements, t'étais avec des la fois où tu y vas avec Alain Bachou, c'est ça, c'est votre... Regarde. Exactement. Toujours moi. Ok. Toujours en botte. Ok, ça c'est ta marque de commerce. Bah ouais, j'aime bien. Ok. Je me sens forte. Ok, ouais. Puis aussi, vêtements moulants, donc les gens, avec la lumière rouge, ça donnait quelque chose, des cheveux blancs, c'était... Ouais, ça fait une espèce de poupée. Mais est-ce que tu croyais, effectivement, est-ce que tu croyais que le public prenait... prenait plaisir? Est-ce que tu te sentais à l'aise? Est-ce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait? C'était pas que facile à Montréal. Enfin, si, au Club Soda, c'était oui, super. Okay. Ça, c'est avec partie... Christophe. Hein. Ouais, Christophe et Linda. Avec Alain, bah... moi, je sais que ça a toujours été ça en première partie d'Alain, c'est que il y a des gens qui adorent, il y a des gens que ça dérange profondément. C'est ce qui est très bien. Est parfait dans l'époque actuelle ouais, où tout est mièvre. Oh, oui. Non, je ne suis pas provocante parce que je ne fais pas les choses pour choquer. Okay. Par contre, je ne fais pas de compromis. C'est-à-dire que si ça ne plaît pas, bah, tant pis. Mais moi, je reste comme je suis. Mais je ne fais jamais de choses pour choquer, ça ne m'intéresse pas. Okay. Mais par contre, je ne vais pas, changer, mettre faire des compromis sur mes vraies valeurs pour plaire. Ça, non. Ça, c'est pas possible, par contre. Ça, c'est vraiment pas possible. Je le ferai jamais. Mais par contre, faire des choses que pour choquer, ça m'intéresse pas. Non, je fais de la musique. J'ai comme... Enfin, je veux dire, dans l'absolu, moi, j'adorerais vendre plein de disques et que ma musique soit adorée et écoutée partout. Enfin, je suis pas maso. Mais crois-tu qu'on te laisse un peu d'espace dans la musique actuelle? Est-ce qu'on diffuse? Crois-tu qu'on te laisse... J'ai pas à me plaindre parce que la distribution est bien faite, j'ai beaucoup de presse, je suis très heureuse de tout ça. Hein. Maintenant, c'est pas, est-ce qu'on m'en laisse à moi? Qu'est-ce qu'on laisse aux vrais artistes dans la musique en ce moment? C'est plus une vision globale de ce milieu et d'un monde qui est en pleine mutation, qui ça pose beaucoup d'interrogations. Hein, c'est comment vivre, comment gagner sa vie. Comment être soi-même? Ça me pose pas de problème parce que j'ai pas le choix. Moi. Okay, je suis toujours moi-même. Okay, okay. Je suis moi-même, donc ça me pose pas de problème. Mais par contre, pour bouffer de ce qu'on fait, c'est autre chose, c'est notre histoire. Ah bah, ouais. c'est incroyable. Moi, je suis productrice. Alors, dépenser de l'argent pour exister, je peux vous dire, j'en dépense. Hein. C'est comme ça. Hein. Des brouettes d'argent dans la rue, hein. C'est que ça. Et après, pour en récupérer une petite partie, c'est trash, quoi. Faut avoir les reins solides. Mais c'est pas vraiment une... En même temps, c'est pas parce que tu es la femme de M. Bachoum que c'est une entrée dans la musique. Mais pas du tout, non, mais jamais. Mais j'ai jamais été signée en artiste ou que ce soit, moi. Non. Donc, voilà, ça c'est une preuve, hein. J'ai jamais eu un contrat juteux avec signature et à production. Chérie, va où tu veux, avec n'importe quel type. Ben non, moi j'ai toujours fait mes disques avec un musicien. Là, celui-là, il y a deux musiciens. Super, hein. On est loin de l'orchestre philharmonique, hein. Très loin. Quoi. Oui, Donc, voilà, c'est vraiment toujours avec. Ouais, c'est vraiment des bouts de ficelle, ce qui me va assez bien parce que j'aime bien le côté brut et être dans l'essentiel, donc ça me va bien. Mais bon, j'aimerais bien un jour qu'on me propose un budget pour faire ce que j'ai envie. Hein. Un spectacle, ça donne quoi? Ça donne combien de musiciens sur scène? Pareil. Alors, il y a plusieurs formules après. Moi, quand je joue qu'une demi-heure, je peux aussi venir seule. Mon ukulélé, les pédales. Bon, ça, je peux faire un petit concert. Au bout d'une demi-heure, c'est chiant pour moi, c'est chiant pour les gens. Faut bouger, quoi. 5-6 chansons, ça va. Voilà, c'est bien. Une demi-heure. Okay. 20 minutes et une demi-heure, je trouve ça bien. Après, je trouve ça lassant. Pour moi aussi. Hein. Oh, ouais. Et. Donc, et après, avec Yann, on fait quelquefois des concerts d'une heure et demie que tous les deux. Et là, vu le disque où il y a un côté très percussif, il faut un batteur. Donc on serait trois sur ça. Ok. Ouais. Au début, je voulais te dire pourquoi on se rencontre ici. Pourquoi? Pourquoi on se rencontre ici? Pourquoi tu m'as dit c'est ici notre... Ah, parce que j'habite pas loin, okay. C'est un de mes QG. Ok, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, okay, mange bien, j'aime bien l'ambiance. Tu viens souvent ici? Ouais, okay. C'est un de mes lieux, ouais. C'est un de mes lieux où j'aime bien manger, j'aime bien boire un verre, c'est ouvert toute la journée. On doit se croire à Montréal un peu. Oui, effectivement, c'est vrai. Saint-Denis, côté Saint-Denis. Comme ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais. Multiculturel. Complètement. Est-ce que tu sens bien Paris ou au contraire, t'aimes bien retrouver ton île? Non, je vais pas beaucoup à Lille. Okay. Lille me manque pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Non, j'aime Paris, c'est chez moi Paris. Enfin, voilà. Après, j'ai vraiment besoin d'en partir régulièrement pour respirer. Et quand tu pars, à quel endroit? Lorsque tu pars? J'adore les grands espaces des États-Unis, Canada aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nature, okay. du continent américain. Ah oui, j'aime beaucoup. Parce que c'est brut, justement. C'est sauvage, vraiment. C'est infini. Ça me fait beaucoup de bien. Et toi, tu parles anglais, français? Oui. Et? Italien. Italien. Oh, italien. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Et après, bah, ça dépend. Par exemple, pour ce disque, je suis allée beaucoup en Afrique. Ok. C'était bien. C'était super d'aller en Afrique. Pourquoi? Pour amener une musique africaine ou pour... Oui, bon, parce que la vie m'a emmenée là-bas pour des raisons personnelles, donc okay. Je suis allée assez régulièrement. Et puis surtout, bah, du coup, je me suis beaucoup interrogée c'est comme si j'avais fait la route à l'envers de la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par le rock'n'roll. Puis petit à petit, je suis arrivée à la country, au crooner, au blues, au jazz. À la musique du monde, comme on dit, à l'Afrique. Sauf que, en fait, c'est le chemin inverse qui s'est fait. Voilà, et moi, j'y suis arrivée comme ça, donc ça m'a vachement... J'ai bien aimé être là-bas et me dire, tiens, quand j'y pense, tous ces mecs-là qui jouent du rock, ça vient d'ici. Et puis, tiens, tous ces blacks américains, ils viennent de l'esclavage d'ici. Et ils ont ramené leur rythme dans les bateaux. Et tout ça, ça m'a hyper... Stimulé. Oui, enfin, en tout cas, ce disque, c'est ça, pour moi, c'est un peu ma lecture personnelle du blues et de l'histoire du rock. Et sur une phrase... Bonjour. Tout est enregistré. Bonjour, ça va. C'est comme ça avec Ronald. D'accord, très bien. Je suis charmé. Ça va. Une phrase qui pourrait dire ça en doute sur cet album-là. Pourquoi en anglais? Ben parce que... Est-ce que ça revient souvent comme phrase? Surtout au Québec. Pourquoi ça t'énerve? Non, mais je me pose la question, pourquoi en anglais? Alors, ben pourquoi? Parce que, comme tu le sais, donc j'ai été avec un Américain. Oui. L'Amérique fait partie de ma vie. Il y a des chansons qui viennent naturellement en anglais. Okay. Mais vraiment naturellement, c'est comme... Je suppose que toi, tu parles beaucoup anglais aussi. Non, pas du tout. Francophone. C'est vrai? Oui. Ah ouais, t'es militant? Oui, merci. Ah ouais, c'est ça. Pour ça, cette question. Ah ouais, d'accord. Ça... Non, il y a vraiment des chansons, il y a vraiment des choses que je... vu que je voyage beaucoup, je parle beaucoup avec des Américains qui, quand même... parle assez rarement français, on est bien d'accord. Donc il y a des chansons qui viennent naturellement en anglais. Et là, comme c'est un album que j'ai fait là-bas, que j'ai réfléchi par rapport justement à la musique américaine, c'est venu naturellement en anglais. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est les mots qui amènent la musique ou c'est la musique qui amène les mots? Non, c'est les mots qui amènent la musique. Okay. Je commence toujours par le texte, toujours. Et là, il y a une chanson qui t'arrive après les mots En chantonnant. Okay. En chantonnant, je sais comment ça doit sortir. Est-ce que c'est rapide ou lent, le processus de création? Le processus d'écriture est assez diffus. Il est diffus. Pour en arriver à 12 chansons, ça met 2 ans. Et celui-là, on parle de celui-là ou des 3? Non, celui-là. Okay. Bon, mais c'est toujours pareil. Ok. Ça met à peu près 2 ans. Ok. Ouais, de cuisson. Ouais, Mais par contre, Un texte, je peux l'écrire comme ça. D'un seul jet. Voilà, okay. C'est rare que je revienne dessus. Okay. Il y en a quelquefois où c'est un petit peu de la dentelle, mais ça c'est rare. Hein. Comme et le ça tourne à d'être écrit dans ça. Ouais, d'un seul coup c'est mûr. Quoi. D'un seul coup je me dis, ah tiens, il y a un truc à écrire. Et après pour la musique, ça va vite. Okay. Ça va vite. Par contre, là, il faut que je me concentre. Autant j'écris dans les cafés, dans les bus, n'importe où. Autant la musique, je suis chez moi. Et, toujours le ukulélé ou si tu... Le piano, okay. Ou voix, okay. Avec dictaphone. Okay. Beaucoup. Okay. Voilà. Et tu fais des gammes et tu essaies de joindre les mots à ce que non, je chantonne. Chantonne, je visualise un peu l'image du son que j'ai envie d'avoir. Ah, c'est compliqué. L'image mentale du morceau que j'ai envie, l'image, voilà, comment tu veux que les gens ressentent cette chanson. Voilà, comment j'ai envie qu'elle soit perçue, comment... Okay. Et puis ça vient tout seul. C'est chamanique, hein. Oui, c'est l'amalgame de tout ça. Ouais. Qui fait en sorte qu'une chanson... Ouais. Et ça... Vous voulez pas boire quelque chose? Oui. Vous voulez boire quelque chose? Moi, je vais prendre un café histoire de me lever. Tu viens de te lever? Ah non, tu sors d'avion? Non, mais non. Non, ben oui, ça fait 36 heures que j'ai pas dormi. Donc, c'est ça. Ça fait 36 heures qu'il a pas dormi. Ben oui, j'arrive, Tu sors de Roissy? Ben pas vraiment. Je suis arrivé ici à 9h30, mais de Roissy à ici, j'ai pris le bus qui a pris 2 heures avant de se rendre ici. Donc, 11h30, après ça, ben là, je suis allé faire mes visualisations, c'est-à-dire que je m'en vais dans des parcs pour regarder les gens. Ah oui? Ben oui. Et donc, après ça, ben là, je suis allé à mon hôtel, sur un genre d'auberge de jeunesse, ouais. Juste ici à côté. Ouais. Et donc, j'ai encore crêché, il y a un petit parc, j'ai crêché là un peu. J'ai écouté France Inter le jour, ben là je vais essayer de trouver l'endroit. Et là je m'étais installé là, tous mes magnétophones étaient prêts là. Là je vois une main et des cheveux blonds. Et je vois que tu parlais au couple ici en avant. Oui, c'est Patrick. Là, j'arrive avec mes trucs et voilà. Et ça, c'est très spontané, hein? Ouais, c'est bien. Ben oui, mais c'est ce que je veux. C'est rien de préparé d'avance. C'est tout est... Très bien, très bien. Et voilà. Et donc, le premier album, tu l'as conçu comme ça, toujours en... Le premier? Oui. Ouais, ouais, pareil. Mais pour faire un premier album, on dit que tout est dans le premier, après ça, on... Oui, c'est une genèse. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de comme ça. OK. Il y a tout... Alors, avec toute l'innocence d'un premier disque... mais c'est vrai que l'élan, l'énergie, elle est là, ouais. Est-ce que tu crois revenir au cinéma, à faire des films? Oui, ça arrive, c'est là bien. Où tu fais des comédies, mais bon, moi, je peux pas décider à la place des réalisateurs ou des productions, donc je préfère pas y penser. Puis quand ça arrive, c'est cadeau. Est-ce qu'il y a un clip qui va sortir de ce disque-là? Mais il y en a déjà eu un et il y en a un deuxième qui arrive. OK. Ouais. Mais le disque vient tout juste de sortir, ouais. En mai? Oui, en mai, ouais. OK. Est-ce qu'il est disponible au Québec? Je sais qu'il est disponible. Par téléchargement, en je zip. Sais pas. Ah, si, téléchargement. Oui, en zip, mais pas Pas en physique, peut-être pas. Non. Ouais. Bah, le monde moderne, je sais pas, ils décident que ça n'existe qu'en zip. C'est de moins en moins courant, hein? C'est vraiment dingue. Hein. C'est la fin d'une certaine époque où on pouvait toucher, regarder les photos, lire les textes. Non, mais c'est insupportable. Textes, mais ben... Non, mais moi je pense que des artistes comme moi, on continuera toujours à fabriquer des objets. Ah oui? Ah ouais. Mais... Même de façon, même si c'est marginal, même si c'est pour les amis, même si c'est pour vendre au concert, mais il faut un support, faut pas rêver. Mais est-ce que le premier album est disponible encore? Sur mon site, le premier album. OK. Les autres, les deux... Les deux autres, non, on ne peut les trouver. OK. Et par la rivière, et celui-là, on peut les trouver. Mais Chaîne d'un seul, que mon site, il n'a jamais été distribué, Chaîne d'un seul. C'est con, j'aurais dû te le ramener. Non, mais je vais le voir. La curieuse, mais sur Internet. Bah ouais. Tout est disponible sur Internet. Oui, c'est vrai. Et là, tu veux préparer un spectacle, tu veux présenter ça au public? Je veux tourner. Ouais. Tu prépares ça actuellement? Ah oui. C'est toujours avec Yann? Ouais. OK. Yann va te suivre où tu iras? Quand il n'est pas là, je me débrouille seul. Ça dépend, comme je te disais. Mais avec d'autres musiciens ou simplement avec... Ah non, seul. Oh non, C'est con... Non, avec Yann, on a tellement un truc... Enfin bon, après, voilà, si... s'il faut. Si j'étais obligée un jour de changer, je changerais. Mais on s'entend vraiment bien avec Yann. Enfin, je veux dire, c'est une synergie assez magnifique. Et puis on prend plaisir tous les deux à le faire. Donc, c'est pas pourquoi on s'arrêterait. Hein. On va pas s'en priver. C'est trop bien. Oui, quoi. Oui. Non, c'est trop, trop bien. Donc, oui, avec Yann, batteur, je sais pas, on. Ça, par contre, il va falloir en trouver un bon, mais bon, on va voir. Mais les disques, est-ce que c'est en chantant avec Alain Bachoum que tu as pris c'est quoi? Goût? Est-ce que c'est en chantant avec Alain Bachoum que tu as pris goût? Non. À faire, non? Non, enfin, la musique, elle a toujours été là. Là, quoi. Ouais. Et le fait de voir quelqu'un de Alain Bachoum faire de la musique, ça t'a comme incité à travailler sur ton propre matériel. Bah, c'est stimulant, propres, ouais, oui. C'est super stimulant, super excitant. Est-ce qu'il donnait un avis sur ce que tu faisais ou On était curieux l'un de l'autre, quoi, tout le temps. On était toujours curieux, qu'est-ce que t'as fait, comment t'étais, voilà. C'était que du bonheur, des échanges heureux, quoi. Et dans la nuit, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? Où ça s'est. Je crois qu'il rencontrait plusieurs actrices, c'est ça, pendant la vidéo? Alors en fait, pour le casting? Oui. Ouais, le casting, c'est Jacques Audiard qui le faisait. Mmh. Et, incroyable. Ouais. Bah oui, je me souviens du casting. Ok. Il fallait faire un striptease. Et puis toi, t'en faisais partie avec plusieurs autres. Ouais. Il fallait faire un striptease. Okay. Alors moi, j'ai fait un striptease totalement dépressif. Mm-hmm. Comme une pute dans une chambre pourrie. Vraiment un truc dépressif à mort. Et bah, ça a fonctionné. Mais est-ce que tu connais ça, l'origine d'Alain Bachoum, ou pas du tout? Ah, pas du tout. Mais alors vraiment, j'écoutais pas du tout, quoi. Ok. Par contre, j'étais contente de jouer avec Jacques, Diar, là je connaissais, ça me faisait super plaisir. Okay. Mais Alain, non. Et ensuite, c'est lui qui a regardé, les actrices? Ah non, c'est pas lui qui a choisi, non. Ok, ça a été imposé. Nous, on s'est vu que sur le plateau, oui, bien sûr. Oui, c'est comme ça, hein. Les artistes, ils disent jamais trop ce qu'ils veulent pour les clips. Hein. En général, c'est le réal qui a une idée, et puis voilà, quoi. Ah, il n'y a pas un moisi. Bon, c'est rare, non. Non, ça, je suis sûre que non. Mais pour que la liaison se fasse, si t'as rencontré après ou... Non, c'est vu sur le plateau et puis on a été... Ok. Électrisé. Ça a flashé comme en photo. Ouais. Ok. Puis là, tranquillement, c'est ça, ça s'est opéré. Et toi, de ton côté, t'avais tes propres chansons, lui avait ses chansons, tu faisais ses premières parties quelques fois. Ouais. Et à un moment donné, il t'a inclus dans les grands espaces. C'est naturellement. Ouais, on faisait un morceau du Cantique. Bah, le Cantique, on l'avait déjà fait avant, donc il était sorti. Je faisais un morceau avec lui de... On faisait Faisons Envie, écrit par Miossec. C'était une belle chanson qu'on faisait à deux aussi, c'était super. Et puis voilà, en fait, c'est ça qu'on faisait tous les deux seulement. Et après, ouais, je faisais ses premières parties. Et qui a pensé le concept de la bulle? Ouais, exactement. Oh bah ça c'est avec le tourneur qui réfléchissait à des idées. Puis comme je devais arriver sur la chanson 2043 d'Alain, là réveillez pas, laissez-la. Un peu comme la princesse au bois dormant qui attend son prince. Et je suis arrivée bien avant 2043, heureusement. Ce sera loupé. Et donc voilà, c'était, je ne sais pas qui a pensé à cette bulle, mais c'est assez joli. Oui, ben, en tout cas, l'idée, ouais, c'était beau, c'était la représentation que ça faisait. Je l'avais vu comme ça. C'était beau, ça sortait comme ça. Ben, la vidéo existe, dans le DVD, puis Alain. Mais sur scène, c'était encore beaucoup plus... Tu voyais descendre quelque chose. On ne savait pas ce qu'il y avait. C'est ça, exactement. C'était comme la lune un peu, c'était super beau. Oui, c'était quelque chose d'imagé qui représentait quelque chose. Et surtout par la suite, quand on te voyait, ben, c'est merveilleux. Puis, C'était beau. À Montréal, on t'a vu faire la première partie. D'Alain, D'Alain. Et Christophe. Oui, c'est ça, Christophe. Mais je trouve que le public était beaucoup plus réceptif à Christophe qu'à la Ah, mais complètement. Christophe et Daniel Dark. Non, je suis complètement d'accord. Au Club Soda, c'était très sympa. Et les gens étaient... Mais c'est pas étonnant, il y avait quand même... C'était un drôle de plateau. Et moi, Daniel Dark, Christophe, c'était une espèce de plateau hybride. Il fallait que les gens... Voilà, et puis il fallait que les gens soient ouverts. Et ils l'étaient vraiment. Ouais. Alors que bon, ce qui est génial d'ailleurs avec les chansons d'Alain, c'est qu'Alain, il rassemble et des gens qui ont une vision très pointue de la musique et des gens populaires, quoi, du milieu populaire, puisqu'il a fait des gros tubes et tout ça. Donc forcément, forcément, quand ils viennent voir Alain Bachung, ils n'en ont rien à foutre. Alors, la première partie, c'est peut-être un peu lent pour ouais, eux. Ouais, ça dégage, quoi. Et puis, alors, en plus, si on leur sert des trucs un peu bizarres et tout ça, pas évident. Un peu singulier. C'est normal, enfin, je trouve ça tout est normal. Tu t'es senti à l'aise avec ça? Moi, je me sens à l'aise tout le temps. Même si la réception n'est pas tout à fait. Non, parce qu'ils ont le droit, on est là pour eux. Hein? Ces gens-là sont pas encore prêts à t'accueillir, peut-être. Mais peu importe, moi ça m'empêche pas d'être qui je suis, et puis, puis eux, ils ont le droit de s'exprimer, de dire on déteste. Mais alors, à partir du moment où on monte sur scène, on s'expose à tout ça. Oui, mais. Et c'est comme ça, ça fait partie du machin, quoi. Après tes chansons, tu t'en vas en arrière de la scène, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, ben j'ai donné ce que j'ai donné, puis eux, ben. Exactement, j'ai donné ce que j'avais à donner, et il y en a qui ont pris, il y en a qui ont laissé, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est très bien comme ça. Ok, puis tu te sentais à l'aise durant les chansons que tu faisais? J'assume ce que je fais complètement. Oh oui, c'est ça. Non, sinon, je sais pas comment on va jusqu'au bout. Ouais, je sais pas comment on va jusqu'au bout d'un concert si on ne le sent pas. Enfin, c'est impossible. Et là, tu prépares tranquillement un tour de chant. Ah ouais. Avec plusieurs, ou ben, ça dépend si c'est un spectacle de 30 minutes ou de 60. Voilà, ça dépend de où c'est. Si quand c'est une demi-heure, 20 minutes, ça peut arriver dans des festivals seul. Je peux y aller seul, ça dépend. Mais là, cet été, c'est... Est-ce que non, tu... rien. Okay. Cet été, rien. Okay. C'était trop court. Tu te prépares pour l'automne, ouais, c'est ça? Rentrée. Ok. Pour faire un mini-spectacle ou quelque chose... Pas mini. Quelque chose d'étoffé. un vrai, quelque chose qui... Salut, Ma! Ouais, toi? Mmh. Ça va bien? Oui, bonjour. Ouais. Hello, bonjour, je t'ai pas vu. Ça va? N'hésite pas. Oui, toi? Ah, messieurs. Je le connais, monsieur, est-ce que c'est possible? C'est Edline, oui, c'est Patrick Edline. Il est écrivain, journaliste de rock. Oui. Est-ce qu'il écrit dans Papa Kenfo? Oui, je sais pas s'il écrit encore. Oui, toujours. Ah oui, mais c'est là. Oui, voilà. Ok, voilà. Je le connais. Ouais. Tu sais, parce que dans une revue, c'est plus difficile de voir quelqu'un. Ouais. Et je crois que j'ai fait des clics et on voyait sa photo. Et là, quand j'y étais, Ok, alors donc, c'est ça. Là, pour l'automne, tu prépares quelque chose avec Yann. Tu vas faire une tournée peut-être même québécoise, qui sait? Oh, j'aimerais bien! Qu'est-ce que j'aimerais bien? T'as vu Longueur d'onde? Longueur d'onde? Tu connais pas Longueur d'onde? C'est un journal de chez toi, hein, qui est chez toi aussi. Hein. Dis-moi, Longueur d'onde, c'est quoi? C'est un? Longueur d'onde. Oui, c'est quoi? C'est un magazine gratuit de rock. Ah oui, ok. Sur la couve! Ah, mais tu es aussi dans Rock and Folk? Oh, aussi. Ok. Mais moi, j'ai plus cliqué sur quelle forme, mais j'ai pas vu. Ah oui, il faut que tu vois Longueur d'onde. Est-ce que c'est celui de Montpellier? Oui, ok, ben là, il n'est pas encore paru. Ben là, il est paru voilà, une semaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, bon, je n'ai pas encore vu. Tu repars quand au Québec? Ben, je repars samedi. Ah ouais, c'est rapide. Non, mais pas demain. Là, ah oui, d'accord, j'ai peur. Non, c'est ça, c'est juste Chloé. Après ça, je m'en vais exactement sur une entrevue sous le bras. Mais je fais le montage dans l'avion et je fais ça le lendemain. Quoi que je fais, c'est fou pour faire ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Alors, à l'automne, tu vas préparer quelque chose pour alimenter cet album-là, pour le rendre plus vivant et présenter aussi ce que tu faisais avant. Oh ben, dans les concerts, ouais, je fais plusieurs choses, ouais. Crois-tu intégrer un peu comme certains des monologues? Quoi? Des monologues, une histoire, parler, ou doubler? Parce que je sais pas très bien faire. Okay. Je parle parce que je fais. Souvent, je fais Calamity Jane. Oui. Ça, je le fais, donc il y a des morceaux de textes lus. J'aime beaucoup faire ça. Maintenant. Faire poète dans le micro pour les chansons. Ah non, mais sans faire la fanfaronne, raconter des choses. Ouais, c'est pas trop mon truc. Okay, non, je m'en limite à la. C'est pas mon truc. Je suis là pour faire de la musique, pas pour. Et qu'est-ce que tu projettes dans l'avenir? Est-ce que tu pourrais faire plus de photos, de films Non, de scènes et de musique, moi j'aime bien. Toi, c'est la musique, tu te concentres sur la musique. Ouais, oui, vraiment. Après, voilà. Il y a des projets intéressants qui passent. Hein? Un groupe? Oh non. Non, t'es une solitaire. Mais non, mais c'est tellement la galère pour les emplois du temps. Hein. Déjà qu'on est productrice de tout. Ah, oui, si en plus il faut que je m'arrache la tête avec 5 personnes qui sont jamais libres au même moment. Ah, oui, c'est ou c'est des plateaux tellement chers qu'on peut jouer nulle part. Enfin, ça sert à rien. Ah, ouais. En ce moment, on ne peut plus se permettre de faire de la musique comme ça. Vraiment. Hein. C'est vrai que les Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. ou bien il faut être dans une dynamique complètement différente. Alors, au Canada, il y a plein de groupes où ils sont 15 sur scène, comme Arcade Fire. Et je comprends, mais c'est presque un collectif et c'est une autre façon de... J'adorerais pouvoir mettre le pied, le doigt dans un truc comme ça. Mais je peux pas porter, je peux pas être la locomotive dans un truc comme ça, trop lourd, impossible. Alors toi, le côté solo, un musicien maximum. Au moins c'est simple à gérer. Bon, et puis ça convient à ce que je fais. C'est-à-dire que à ma musique, ça convient vraiment. C'est parfait. Mais et puis oui, c'est vrai que c'est plus simple. Bons résultats, les critiques actuellement sur cet album-là qui vient tout juste de sortir, donc c'est tout chaud. Les gens le perçoivent comment cet album-là? Bien, ils le comprennent bien. Ok. Ouais. En France, mais ailleurs, il est diffusé en Belgique, un peu partout? Je sais pas. Ok. Mais en France, il est bien accueilli. Ça se passe bien, ouais. Tu sens qu'il y a peut-être un spectacle qui va amener quelque chose d'intéressant. Il faut, ouais. Oui, en tout cas, il y a des choses qui se passent, ouais. Et puis là, ouais. Tu travailles sur la présentation des chansons, ou si c'est encore un peu trop tôt pour s'avancer, histoire de placer les chansons sur une liste de points. Non, on a déjà joué là pour la sortie du disque. On a trouvé quelque chose d'assez. Non. Ok. C'est un vrai spectacle pour la sortie. Showcase, quoi. Ah oui, ok. Est-ce que ça a été filmé? Non. Oui, c'est avec des appareils photo, iPhone. Ouais, c'est ça, exactement. Qualité assez neutre aussi, hein, tu vois. Là. Surtout si quelqu'un a les gens. Est-ce que c'est de la musique, parce que je ne l'ai pas écouté celui-là, j'ai écouté les deux autres, est-ce que c'est dansant? Je ne peux pas dire que c'est très dansant, je ne sais pas. Okay. Est-ce que c'est dansant? Je pense que c'est lancinant. Je pense que c'est assez lancinant, tu peux faire ça. Okay. Okay. Là, mais je pense pas que tu puisses vraiment... Okay. Je l'écoute ce soir et je t'en... Ah mais voilà, tu me diras. Oh oui, exactement. Et comment t'as senti le fait de faire ça? Est-ce que ça a été difficile de le faire cet album-là? Ou si au contraire, ça coulait de source, tu t'es senti à l'aise? Ou si souvent, après deux ans, tu te dis « Mais là, je trouve ça sur un album », est-ce que tu sens qu'il y a... Non, parce que j'ai aucune pression, j'ai pas de maison de disque. Ok, ouais, c'est vrai, c'est toi qui... Alors à ce niveau-là, tu sais, j'ai zéro pression, que celle que je me mets moi. Ok. Mais en fait, non, c'est naturel. En regardant un peu là, ta liste, tu as trois albums et ça chevauche 2-3 ans. On dirait que comme à un moment donné, il y a une grosse demande de ta part d'écrire. Ah oui, à un moment donné, il faut produire quelque chose. Oh, oui, c'est sinon, ça. Sinon, j'ai. Oui. Sympa, il faut fixer là, ce qui s'est passé les 2-3 dernières années. Mais là, tu n'as rien écrit quand tu veux fixer après 2 ans et demi, 3 ans. Là. C'est là que tu écris, c'est pas durant ces 2 ans. Si, c'est ces 2 ans. Okay. Ouais, okay. Absolument. Ok, là, il reste juste après ça à placer ça sur l'album. Voilà. Et peut-être de faire un tri, exactement ce que je veux dire. Et, voilà. Et d'appeler Yann Boulin. Voilà, exactement. Alors, tout est déjà, durant les 2 ans et demi, tu as déjà travaillé sur des trucs, tu mets ça dans des tiroirs. Et là, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est ça. Ok, c'est comme Ça, c'est une commode. Ok, plein de tiroirs. Ok, oui, c'est un pense-bête, comment? C'est ça, tout est là. Quoi, c'est des bouts de phrases ou des idées? Des textes. Quelquefois une phrase, quelquefois deux phrases, puis quelquefois un texte. C'est des fois, on se retrouve, on est ici dans un café, si t'entends quelqu'un parler, cette consonance-là est bonne, ça peut arriver, disons que quand j'écris, c'est vrai que j'aime bien les lieux publics pour ça, je me laisse flotter un peu, puis c'est vrai que tout peut rentrer dans le champ, hein. Un mot, une image, une association d'idées, ça va vite quoi, il faut juste être à l'écoute. 10 ans s'est passé entre le premier et cet album-là à peu près. 10 ans? 10 ans, oui. C'est à peu près, ok. Et trouves-tu qu'il y a une différence entre le premier album et aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile de faire des albums aujourd'hui ou c'était plus compliqué à l'époque qu'il y a 10 ans? Pour moi, ça ne change rien. Non, mais de se faire entendre, de faire un album et de dire aux radios, ben, je viens de faire un disque, croyez-vous que cet album-là peut être diffusé? Est-ce que c'est tout? Pour moi, ça n'a jamais été facile. Ok. Alors, il n'y a pas de différence entre... Donc, je dirais que pour moi, ça va de mieux en mieux. Okay. On m'aime de mieux en mieux, on est de plus en plus curieux. Okay. Donc finalement, c'est bien 10 ans parce que quand même on grandit. Voilà ce que je me dis, j'ai grandi en 10 ans. Oui, et c'est bien. Et dans les yeux des autres aussi. Donc, okay. euh, Donc ça va forcément de mieux en mieux. Mais après, si on parle d'une façon commerciale, tu produis tout. Tu t'emballes un peu aussi, là, tu fais ce qui te... des chansons qui te représentent, donc si c'est singulier, c'est singulier, si ça accroche, ça accroche, mais tu vois pas une chanson pour être dans la liste des meilleurs. Sinon, je le ferais, hein. Mm. Ah oui, je ferais Lady Gaga, hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est notre façon de vivre, je le ferais, si j'avais envie de ça. Mais tu te sentirais pas à l'aise parce que ce serait pas toi, donc il y aurait quand même... Mais il n'y a pas question, c'est impossible. Et puis... Chloé Mons, premièrement, là, j'ai parlé avec un Français au Québec. Et là, j'ai dit, je rencontre Chloé Mons. Ben, là, il m'a dit, c'est pas Chloé Mons, c'est Chloé Mons. Hein? Est-ce que c'est Chloé Mons ou Cléon? Ou Chloé Mons? Attends. Ah oui, vas-y. Oui, ma Claire. Ça va, t'es où? Ouais. D'accord. D'accord, donc on se voit pas. Ok. T'inquiète, baby. Je suis en interview là, donc je peux pas te parler longtemps. Mais je te rappelle plus tard, d'accord? Et je t'embrasse pas fort. Ouais, tiens. Mais c'est pas grave, on coupe, hein. En fait, je sais, mais je veux pas parler, me raconter ma vie. J'ai pas envie. Ah oui. Alors, donc c'est ça, alors là. Chloé Mons, le français, je disais, c'est Chloé Mons. Au lieu de. Chloé Mons. Ah non, c'est Mons. Ah voilà, okay. Enfin, ça avait l'air. Ouais, Mons. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, parce que là, j'avais une interrogation. Ah, et sur les photos, est-ce que c'est toi qui as choisi de prendre ces photos-là, de les placer là? Ouais, on en a fait plein. Et puis, qui? Avec Pierre Terrasson. OK. Ouais. Puis après, oui, j'ai choisi, j'ai dit, je veux ça. Et c'est pris à quel endroit? Ça me semble être un peu... ça me semble les États-Unis, ça. Ouais, c'est ça. Ah, pas mal, hein? Juste à cause des arbres et de... tu sais, c'est les États-Unis qu'on a fait ici. Ah, OK. Ouais. C'est pas aux États-Unis. C'est pas mal. Non, mais ça le fait. Mais c'est comme le disque. Mais c'est ça que tu voulais. Ça voilà, okay. C'est notre... C'est mon... Voilà, c'est mon Arizona. Okay. J'étais content. C'est pas mal. Je suis très contente que tu me dises ça, parce que voilà. Oui, mais c'est vrai. On a réussi. Ça sent les États-Unis. Bah ouais. Comme le disque. Ah oui, effectivement. Ouais. Ben là, je ne l'ai pas écouté, là, mais... Tu vas voir. Uniquement des brides, il m'a envoyé un lien, donc il y avait juste des boucles, là, j'ai beaucoup... mais tranquillement, je vais l'écouter aujourd'hui. J'allais dire cette nuit, pour moi, c'est cette nuit, en tout cas, ce soir. Et je vais t'en reparler. Donc, les photos, c'est un peu ce que tu voulais aussi montrer. Il a pris plusieurs clichés et tu les as placés. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je sais pas. Et as-tu une idée de ce que tu veux présenter au public, c'est-à-dire la mise en scène, ou si c'est très simple? Oh, tu sais, micro, moi, je fais pas du cabaret, hein, je vais m'amuser à faire des trucs. Alors, micro-lumière? Ouais, une jolie lumière, un bon son, une jolie robe, puis en avant. Hein, puis le dessin. Ouais, bien sûr. Ça a l'air intéressant. J'ai pas mal. Et peut-être Montréal. J'aimerais bien. Ben oui. Québec aussi, je mène à Québec. Ben, il faut passer par Québec parce que c'est avant tout francophone, Québec. Ouais. Vraiment. Ils vont pas m'aimer alors. Pardon? Ils vont me prendre pour quelqu'un qui trahit la langue. Non, mais non, écoute, il y a plusieurs Québécois qui s'orientent vers la langue de Shakespeare. Ah bon? Oui, c'est leur droit. Ben c'est leur droit. Mais à chaque fois que l'on fait une rencontre radiophonique, on leur demande pourquoi en anglais. Pour voir les motivations. Puis, mais cet album-là, c'est toi, c'est ce qui est le plus près de ce que tu voulais donner au public. Et... Absolument. Il est exactement comme je voulais qu'il soit. Et tu es heureuse du résultat et tu veux l'offrir au public québécois avec le plus grand. Exactement. Avec la plus grande simplicité. Ah ouais, c'est vrai. Éventuellement, nous rendrons te voir sur scène. J'espère! Ben oui, à Québec ou... Ailleurs! Au Québec, à Montréal, c'est pas très loin, c'est 2h30. Non, c'est pas loin. Ben, j'ai fait ça pour voir la carte blanche à l'Alain Bachaud et Christophe et tous les autres. On se retrouve à Québec. Absolument. Et merci d'être passé à mon émission. Merci à toi. C'était très, très gentil. Et l'album sera écouté et diffusé à mon émission et cool. À CKRL. Avec grand plaisir. Merci, Chloé. Merci. À la prochaine. Au revoir.